Magaúcia, canta me diga. Claude Moussa est l'homme des grands événements. national. Ça c'est Jésus de Niance, ça c'est la modulation. Parmi qui s'alloue, mon dogo moi la fuite. Eh ma faka la kine. Patrick Makoda Bois Noir, Empereur J.P. Lumbala déclarant. Roger Sungelo Mwaposo, Action Zakoto. Non, liaï, non, liaï, non, liaï. Émissaire Lopez.